Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 45. Du don de sagesse, qui correspond à la charité. Pourquoi la sagesse est un don du Saint-Esprit? Son sujet, son but, rapport entre ce don et la grâce sanctifiante, béatitude qui lui correspond. 1. Doit-on compter la sagesse parmi les dons du Saint-Esprit? Isaïe a rangé la sagesse parmi les dons de l'Esprit-Saint, comme on le voit par ses paroles, « Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, etc. » Isaïe 11, 2. On appelle sage, dans un genre quelconque, les hommes qui s'élèvent à la cause la plus élevée de ce genre. Et on donne absolument ce nom à celui qui, remontant à Dieu même, la plus haute de toutes les causes, juge avec certitude de toutes les autres causes et ordonne toutes choses d'après les règles divines. Or c'est de l'Esprit Saint que l'homme reçoit un tel jugement, suivant ses paroles, l'homme spirituel juge tout, parce que l'Esprit pénètre tout, même les secrets de Dieu. 1 Corinthiens 2, 15. Voilà pourquoi la sagesse est un don de l'Esprit Saint. Note. La sagesse, qui est un don de l'Esprit Saint, n'est pas la vertu intellectuelle que l'on acquiert par l'étude. Elle diffère aussi de la foi, qu'elle présuppose. Elle a pour principale manifestation la piété et la crainte de Dieu, par lesquels un homme prouve qu'il juge sainement des choses divines. Fin de la note. 2. La sagesse est-elle dans l'intelligence comme dans son sujet? La rectitude du jugement fondée sur les vérités divines résulte tantôt du bon usage de notre raison, tantôt d'une certaine conformité de nature avec les matières qui doivent être jugées. Or, s'il appartient à la sagesse, comme vertu intellectuelle, de porter un jugement droit sur les choses divines d'après les lumières de la raison, il est réservé à la sagesse, comme don du Saint-Esprit, d'en bien juger par la conformité de nature avec elle. C'est de là que saint Denis disait, « Hiérotée est devenu parfait dans les choses de Dieu, non pas seulement en les étudiant, mais en les ressentant. Cette sorte de passivité ou de conformité pour ainsi dire naturelle avec les choses divines est le fruit de la charité, qui nous unit à Dieu suivant cette parole, « Celui qui s'attache à Dieu ne fait qu'un esprit avec lui. » 1 Corinthiens 6, 17. Par conséquent, la sagesse, comme don, a sa cause dans la volonté, à savoir, la charité, mais elle a son essence dans l'intelligence, dont l'acte propre est de bien juger. Note. L'intellect a deux actes, percevoir et juger. Le don d'intelligence se rapporte à la perception, le don de sagesse, au jugement. Fin de la note. 3. La sagesse est-elle purement spéculative, ou bien est-elle aussi pratique? La sagesse, comme don, n'est pas seulement spéculative, elle est encore pratique. L'apôtre n'écrit-il pas aux Colossiens, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux qui sont hors de l'Église » Colossiens 4, 5. Saint Augustin remarque très bien que le don de sagesse est dans la partie supérieure de la raison, et le don de science dans la partie inférieure. Or la raison supérieure s'élève aux raisons divines, soit pour les considérer, soit pour les consulter, pour les considérer, par la contemplation, pour les consulter, afin de juger par elles les actes humains, et de les diriger selon les règles divines. Ainsi la sagesse, en tant que don, n'est pas seulement spéculative, elle est encore pratique. Note. La sagesse comme don, est supérieure à la sagesse comme vertu intellectuelle, Elle met notre âme dans un rapport plus intime avec Dieu, voilà pourquoi elle doit diriger l'homme, non seulement dans la contemplation, mais dans l'action. Les choses éternelles et nécessaires sont la règle des actes humains. Fin de la note. 4. La sagesse peut-elle exister sans la grâce et avec le péché mortel? Non, il est écrit, la sagesse n'entrera pas dans une âme méchante, elle n'habitera pas dans un corps soumis au péché. Sagesse 1, 4. Suivant ce qui précède, la sagesse, don du Saint-Esprit, fait porter un jugement saint sur les choses divines en vertu d'une certaine conformité de nature avec elles, conformité qui provient de la charité. La sagesse dont nous parlons présuppose par conséquent la charité, qui n'est pas compatible avec le péché mortel. Dès lors, elle ne peut pas exister dans une âme avec le péché mortel. Note. La connaissance des choses divines acquises par l'étude et par les lumières de la raison peut coexister avec le péché mortel, mais il n'en est pas ainsi de la sagesse considérée comme don de l'Esprit Saint. Fin de la note. 5. La sagesse est-elle dans tous ceux qui sont en état de grâce? Dieu, dit l'Écriture, n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Sagesse 7, 28. Dieu est l'ami de tous ceux qui sont en état de grâce. Ceux-ci ont donc la sagesse. Quelques-uns la reçoivent, soit pour la contemplation, soit pour la bonne direction de leurs affaires, dans le degré simplement nécessaire au salut. Ainsi comprise, elle ne fait défaut à aucun de ceux qui ont la charité. Les autres la reçoivent à un degré plus élevé, soit pour contempler les mystères divins et les expliquer aux autres, soit pour se diriger eux-mêmes ou pour diriger les autres conformément aux lois divines. Ce degré supérieur de sagesse n'est pas le partage de tous ceux qui ont la grâce sanctifiante. Il appartient principalement aux grâces gratuitement données que l'Esprit Saint distribue comme il lui plaît. 1 Corinthiens 12, 18. Note. Les aliénés qui ont reçu le baptême, et les petits-enfants, ont l'habitude de la sagesse considérée comme un don du Saint-Esprit, mais ils n'en ont point l'acte. Par suite de l'empêchement corporel qui leur interdit l'usage de leur raison. Fin de la note. 6. La septième béatitude répond-elle au don de sagesse? La septième béatitude, bienheureux les pacifiques, répond parfaitement au don de sagesse, car les pacifiques sont ainsi appelés parce qu'ils établissent la paix en eux-mêmes et dans les autres. Comme il appartient à la sagesse d'établir l'ordre, c'est avec raison qu'on lui attribue le pouvoir de pacifier. La récompense qui vient ensuite, ils seront appelés les enfants de Dieu, lui convient également, puisque l'on appelle enfants de Dieu ceux qui participent à la ressemblance du Fils unique de Dieu, qui est la sagesse engendrée. En participant au don de sagesse, l'homme s'élève jusqu'à la filiation divine. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.